السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، ونشكره سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن ذلكم النعم نعمة العلم التي قال فيها سبحانه وتعالى ممتنا على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم نشكر كل من تسبب في حصول هذا الخير الذي نحن بصدده من التعاون على نشر العلم النافع وعلى البر والتقوى، وعلى رأسهم المشايخ الكرام وأساتذتنا الفضلاء وإخواننا الأفاضل الذين عرف جهدهم وسبقهم في نشر الخير بين المسلمين، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكون ما سنسمعه بإذنه ذخرا لنا وحجة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Nous louons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala d'une pleine louange, comme il l'aime et il l'agrée subhanahu wa ta'ala. Et nous le remercions pour ses innombrables bienfaits, apparents et cachés, qu'il nous a accordés et qu'il ne cesse de nous accorder subhanahu wa ta'ala. Parmi cela, le bienfait de pouvoir nous réunir dans le but d'étudier son livre et la sunna de son noble messager sallallahu alayhi wa sallam, à travers les explications transmises par nos grands savants de l'islam, qu'Allah fasse miséricorde aux défunts parmi eux et qu'il préserve ceux encore en vie. Parmi ces bienfaits, l'immense bienfait de la science et l'apprentissage de celle-ci. Comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, en rappelant son messager sallallahu alayhi wa sallam le bienfait immense qu'il lui a accordé par sa parole: et Allah a fait descendre sur toi le livre et t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas, et ton Seigneur t'a fait part d'une immense grâce. Puis nous remercions toute personne ayant participé à la propagation de ce bien. À leur tête, les nobles mashayikh présents pour cette daura, ainsi que les nobles professeurs et prêcheurs connus pour leur ancienneté dans la propagation du bien et de la sunna, en demandant Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense, comme il nous a réunis ici, de nous raffermer sur la vérité jusqu'à sa rencontre subhanahu wa ta'ala, et de nous réunir dans des jardins et des rivières, dans une demeure de vérité, auprès d'un souverain omnipotent. Cela étant dit, le sujet choisi pour cette conférence: les comportements des gens du hadith, adab ou ahl al-hadith. Ce sujet sera bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala traité en plusieurs points. Quant au premier point, il sera la définition des gens du hadith, c'est-à-dire qui sont les gens du hadith et qu'a-t-il voulu par cela. Puis par la suite, la citation de certains comportements des gens du hadith. Quant aux gens du hadith, Ahlul Hadith, qui sont aussi appelés le groupe sauvé, Mansoura, le groupe secouru, Al-Firqatun Najiya, ou les partisans de la Sunna et du groupe Ahlul Sunnati wal Jama'a, le noble savant, le Cheikh Saleh Ibn Fawzan, Hafidhahullah, nous dit à leur sujet. Et les gens du hadith sont les gens de la riwaya, c'est-à-dire donc la transmission des hadiths. Il nous dit, ce sont les gens de la riwaya, ceux qui se sont occupés, ont donné de l'importance à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et l'ont préservée jusqu'à la transmettre aux gens de la manière dont elle est venue du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont nié d'elle tout ce qui est étranger et ne fait pas partie d'elle, et tout mensonge à son propos. Ils s'en sont pris soin de manière complète. Puis nous dit Rahim, et ils sont, c'est-à-dire ceux qui sont occupés de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, de deux catégories. Quant à la première catégorie, ils sont les gens de la riwaya seulement, c'est-à-dire de la transmission du hadith. Puis il nous dit, Hafidhahullah, ils sont les mémorisateurs, ceux qui ont appris les chaînes de transmission des hadiths, les ont appris de manière parfaite, ont distingué les rapporteurs de ces chaînes de transmission et ont détaillé et expliqué leur état. Et ils ont aussi pris soin des moutons, c'est-à-dire des hadiths en eux-mêmes, en plus de leurs chaînes par lesquelles ils ont été transmis. Ils les ont appris et transmis avec les termes par lesquels ils ont été rapportés. À tel point où si celui qui a mémorisé le hadith a un doute concernant un mot du hadith, il dit, il a dit cela ou cela, en citant une deuxième supposition et sans trancher pour l'un des deux termes. Ou il dit, telle personne a eu un doute. Et cela, même si le deuxième terme utilisé a le même sens que celui pour lequel il a eu un doute. Même si le sens est le même, il respecte les termes utilisés. Ils transmettent donc le hadith avec ces termes comme ils sont venus du messager sallallahu alayhi wa sallam. En œuvrant avec sa parole sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, qu'Allah embellisse une personne qui a entendu notre parole, puis l'a transmise comme il l'a entendue. Puis il nous dit, et les autres, c'est-à-dire la deuxième catégorie, ils sont les savants de la riwaya et la diraya, c'est-à-dire de la transmission et la compréhension du hadith. Il nous dit, c'est-à-dire fuqaha ou ahl hadith, les jurisconsultes, ceux qui rapportent le hadith et déduisent de celui-ci les règles et jugements religieux. Et ils citent la science que contient ce hadith. Donc cette catégorie, en plus de rapporter le hadith de la manière dont il est venu du messager sallallahu alayhi wa sallam, extrait et tire les jugements religieux que contient le hadith. Puis il nous dit cela comme Al-Bukhari, Muslim, Malik, Ahmed. Donc l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Malik et Ahmed. Il nous dit cela sont des savants jurisconsultes du hadith. Ils sont donc mémorisateurs et jurisconsultes. Puis il nous dit plus loin, Hafizahullah, les gens du hadith sont donc les meilleurs des gens de cette communauté. Et ils sont le groupe sauvé. L'imam Ahmed, rahimahullah, a dit, si le groupe sauvé n'est pas les gens du hadith, alors je ne sais pas qui ils sont. Puis il nous dit, Hafizahullah, les gens du hadith donc sont le groupe sauvé. Et aussi toute personne les ayant suivis et cheminé sur leur voie, alors il fait partie d'eux. Intaha kalamuhu, hafizahullah. Donc, ceux-là sont les gens du hadith, ceux qui ont pris soin de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans son apprentissage, en éloignant d'elle tout ce qui n'en fait pas partie, et tout ce qui peut lui être imputé faussement, tout comme ils ont pris soin de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, de par la compréhension des ahadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la mise en pratique et la transmission de cela, et ainsi que leurs suiveurs jusqu'à la fin des temps, qui sont aussi appelés, comme cité, le groupe secouru. At-Ta'ifatul Mansura. Cela comme il a été rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu. Cela comme il a été rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah et l'imam Ahmed. Et autre, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: et il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté sur la vérité secouru. Ne les nuira ni ceux qui les abandonnent, ni ceux qui les contredisent, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Ils sont aussi appelés le groupe sauvé, Al-Firqatun Najiyah. Comme il a été rapporté par Ibn Majah, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ma communauté se divisera en 73 sectes, tous iront au feu sauf une. Ils ont dit sallallahu alayhi wa sallam: quelle est-elle, au messager? Il a répondu: le groupe. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a expliqué cela, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, par ses propos: le groupe est ce qui est en accord avec la vérité. Et cela, même si tu es seul, tu seras alors à ce moment le groupe. Et dans une variante du hadith, il a répondu sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce groupe sauvé par ses propos: ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Cela étant dit, quant à ce qui concerne les comportements des gens du hadith, alors ce point sera traité par la lecture, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, de certains points cités par le grand savant Al-Imam Abi Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabouni, rahimahullah, mort au 5e siècle de l'Égypte. Al-Imam As-Sabouni, rahimahullah, à propos duquel Al-Imam Al-Dhahabi, rahimahullah, a dit: Al-Imam, le guide, Al-Allama, le grand savant, l'érudit, l'exégète, le rappeleur, le savant du hadith, le savant de l'islam. Donc, Al-Imam As-Sabouni cite dans son épître la croyance des salafs, les gens du hadith. Après avoir cité la croyance des gens du hadith, il nous cite, rahimahullah, certains comportements des gens du hadith. Et avant de commencer la lecture de ces propos, rahimahullah, il faut savoir que le mot adab, cité dans les termes de l'auteur, traduit en français par comportement, est utilisé et il peut être voulu par celui-ci des actes obligatoires, tout comme des actes préférables et recommandés, comme nous allons le voir dans les propos de l'auteur, rahimahullah, Al-Imam As-Sabouni. Donc il nous dit, rahimahullah, après avoir cité, premièrement, que les gens du hadith considèrent illicite la consommation de toute boisson enivrante, que cela soit en petite quantité ou en grande quantité, que ces boissons soient faites à partir de raisins ou de raisins secs, de dattes, de miel, de maïs ou autre. Donc cela, contrairement à ce qui a été rapporté de certains, entre autres Al-Ahnaf, ceux qui sont du madhhab de l'imam Abi Hanifa, certains d'entre eux qui ont pour croyance, ou plutôt qui ont pour madhhab, que le fait de consommer des boissons faites à partir d'autres que le raisin ou en petite quantité soit licite, même si ces boissons sont enivrantes en grande quantité. Et cela va à l'encontre de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Kullu muskirin haram. Toute boisson enivrante est haram. Et cela, qu'elle soit en petite ou en grande quantité. Car ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram. Donc toute boisson enivrante dont la consommation en grande quantité enivre, alors sa consommation en petite quantité est aussi haram. Donc après avoir cité ce point, il nous dit, rahimahullah, et il voit, donc Ahlul Hadith, le fait d'accourir à l'accomplissement des prières obligatoires et de les accomplir au premier moment est meilleur que de les retarder en vue d'obtenir les belles récompenses que cela apporte. Et il voit, donc Ahlul Hadith, le fait d'accourir à l'accomplissement des prières obligatoires et le fait de les accomplir au premier moment est meilleur que de les retarder. Cela en vue d'obtenir les belles récompenses que cela comporte. Donc, il nous cite premièrement parmi les adabs des gens du hadith le fait de donner une grande importance à la prière. Donc le fait d'accourir à l'accomplissement des prières obligatoires. de donner une grande importance à la prière. Cela par le fait de l'accomplir en groupe dans les mosquées, de la manière dont le faisait le messager sallallahu alayhi wa sallam, de manière apparente et intérieure. Car comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam, la prière est la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur. Si elle est bonne, il aura certes gagné et réussi. Et si elle est mauvaise, il aura certes échoué et perdu. Et dans une variante du hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si elle est acceptée, alors le reste de ses œuvres seront acceptées. Et si elle est rejetée, alors le reste de ses œuvres le sera aussi. Parmi les manières de donner une importance à cette prière, le fait, comme l'a cité l'auteur, rahimahullah, de l'accomplir en son premier temps. Comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut questionné, laquelle des œuvres est la plus aimée auprès d'Allah? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, la prière en son premier temps. Donc le fait d'accourir à l'accomplissement de la prière en son premier temps, qui est le meilleur des temps pour l'accomplir. Et qui est la chose qui a été rapportée du messager sallallahu alayhi wa sallam quant à la manière d'accomplir sa prière. Si ce n'est pour la prière du dhuhr, qu'il est permis de retarder en cas de forte canicule. Ainsi que la prière du Isha. Et cela à l'inverse de ce qu'a qualifié le messager sallallahu alayhi wa sallam comme étant la prière des hypocrites. Cela par ses propos sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ceci est la prière des hypocrites, qui s'assoit et guette le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les deux cornes de Satan, puis se lève et picore sa prière en évoquant dans celle-ci que très peu Allah. » Puis l'auteur, rahimahullah, nous cite par la suite certains points faisant aussi partie de l'importance donnée par Ahl al-Hadith quant à la prière. Donc il nous cite, rahimahullah, certains actes obligatoires et piliers de la prière qu'il est obligatoire de préserver, comme l'obligation de réciter la sourate al-Fatiha, la sourate de l'ouverture, même pour celui qui se trouve derrière l'imam. Comme il a été rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, il n'y a pas de prière pour quiconque ne récite pas Ummul Qur'an, donc la mère du Qur'an qui est sourate al-Fatiha. Donc comme il a cité, rahimahullah, le fait de parfaire chacun des piliers de la prière, comme la genuflexion après la s'assoir debout, le retour de celle-ci, la prosternation, l'assise entre les deux prosternations, tout cela avec quiétude, qui est un des piliers de la prière. Comme cela fut cité dans le hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme entrer dans la mosquée, prier, puis venir saluer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et au messager sallallahu alayhi wa sallam de le renvoyer trois fois de suite, en lui disant, retourne, car certes, tu n'as pas prié. Puis, au messager sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner la prière de la manière correcte, en lui disant sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu te lèves pour accomplir la prière, prononce le takbir d'ouverture, puis récite ce que tu peux comme Qur'an, puis incline-toi jusqu'à ce que tu sois incliné en état de quiétude, puis relève-toi jusqu'à ce que tu sois bien droit, debout, puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois prosterné en état de quiétude. Puis relève-toi jusqu'à ce que tu sois assis en état de quiétude et fais cela dans toute ta prière. Hadith rapporté par Ahmed, Al-Bukhari et Muslim. Donc, ce hadith qui montre, comme l'a cité l'auteur, l'obligation de parfaire les piliers de la prière ainsi que de les accomplir avec quiétude. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, à juger la prière de cette personne caduque car elle n'a pas accompli les piliers cités. Contrairement à ceux qui voient que la quiétude n'est pas un acte obligatoire ou un pilier de la prière, ce qui bien évidemment va à l'encontre du hadith cité précédemment du messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur, rahimahullah, après cela, cite plusieurs points concernant les comportements qu'adopte Ahlul Hadith. Il nous dit, rahimahullah, et ils s'enjoignent, donc Ahlul Hadith, de se lever pour accomplir la prière de la nuit après avoir dormi, de lier les liens de parenté selon les différents états, de répandre le salut entre les gens, d'offrir de la nourriture, d'avoir de la compassion pour les pauvres et les besogneux et les orphelins, de s'occuper des affaires des musulmans, de s'abstenir de tout ce qui est illicite comme nourriture, boissons, vêtements et rapports et dépenses. Le fait d'accourir dans le bien, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, de se hâter à l'accomplissement de toute forme de bien, de prendre garde au mal et à la mauvaise finalité de la convoitise. Donc l'auteur ici, rahimahullah, a cité certains comportements immenses qui pour chacun méritent d'être médités et qui pour chacun ont des textes venant montrer leur mérite et leur importance. Quant à la prière de la nuit, qui est un des actes des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a certes fait des éloges aux gens du paradis par ses propos. Ils ne dormaient qu'une petite partie de la nuit, c'est-à-dire qu'ils passaient dans ce bas monde beaucoup de temps de leur nuit à prier. Et il a été rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: la meilleure prière après celle prescrite est la prière de la nuit. Et l'auteur a cité qu'ils s'enjoignent de lier les liens de parenté, qui est un acte obligatoire dont le délaissement fait partie des grands péchés et dont le délaissement fait partie de la corruption sur terre. Allah nous dit d'après le sens du verset: et si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre les liens de parenté? Sourate Mohammed, verset numéro 22. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entre pas au paradis une personne qui rompt ses liens de parenté, rapporté par Muslim. Et il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam: quiconque veut que sa subsistance soit élargie et sa vie allongée alors qu'il lie ses liens de parenté, rapporté par Al-Bukhari. L'auteur a cité aussi qu'il s'enjoigne de répandre le salut entre les gens, ifsha us-salam, qui est un acte immense menant à ce que se propage l'amour entre les croyants et qui est aussi une cause d'entrée au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous serez véritablement croyant. Et vous ne serez véritablement croyant que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: voulez-vous que je vous informe d'une chose qui fera que vous vous aimerez les uns les autres? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: répandez le salut entre vous. Rapporté par Muslim. Et l'auteur rahimahullah nous cite qu'il s'enjoigne d'offrir de la nourriture. It'am ut-ta'am. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens du verset, en faisant des éloges à ses serviteurs pieux. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: et ils offrent de la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Et ils disent: certes, nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah et nous ne voulons de vous ni récompense ni remerciement. Surat Al-Insan, versets 8 et 9. Et il a été rapporté la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ô gens, répandez le salut, offrez de la nourriture, liez les liens de parenté, priez la nuit, alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Rapporté par Ibn Majah. Et il nous cite, rahimahullah, aussi, qu'il s'enjoigne la compassion, la miséricorde envers les pauvres, les besogneux et les orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala a certes, dans plusieurs versets, blâmé ceux qui ne sont pas miséricordieux envers les pauvres et les orphelins. Tout comme il a subhanahu wa ta'ala incité à la bienfaisance envers les pauvres et les orphelins. Allah nous dit d'après le sens du verset: et quant à l'orphelin, ne le maltraite pas, et quant au demandeur, ne le repousse pas. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala: mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers l'orphelin et qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis moi et celui qui prend en charge un orphelin comme ses deux doigts. Et il a montré ses deux doigts, l'index et celui qui le suit. Et l'auteur rahimahullah nous cite aussi qu'il s'enjoigne de s'abstenir de tout ce qui est illicite comme nourriture, boissons, vêtements et rapports. Quant à la consommation de nourriture et boissons illicites, ainsi que d'habits et de vêtements illicites, alors tout cela, en plus d'être haram, illicite, et que son auteur encourt le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont aussi une cause pour que les invocations de la personne ne soient pas exaucées. Comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion à citer un homme qui allonge son voyage, qui a un état apparent dégradé, qui a les cheveux poussiéreux, qui lève les mains au ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur », alors que cette personne se nourrit d'illicite, boit de l'illicite, s'habille de l'illicite, comment peut-il être exaucé? Donc, le fait de consommer les nourritures et boissons ou de s'habiller de l'illicite, en plus d'être haram, est une des causes menant à ce que la personne ne puisse pas voir ses invocations exaucées. Et à l'inverse, donc, parmi les adab des gens du hadith, la consommation du licite et l'éloignement de tout ce qui ne l'est pas. Et l'auteur, rahimahullah, nous cite qu'il s'enjoigne d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'après le sens du verset, « Vous êtes la meilleure communauté envoyée aux gens. Vous ordonnez le bien et interdisez le blâmable. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il ne peut pas, par sa langue. Et s'il ne peut pas, par son cœur. Et cela est le plus bas degré de la foi. » Donc le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une chose qui incombe à chacun selon sa capacité. Et quant au fait de blâmer cela par le cœur, alors cela est le minimum obligatoire à chacun qui ne tombera à aucun moment. Et l'auteur rahimahullah nous cite qu'il s'enjoigne d'accourir à l'accomplissement de tout bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, et accourez à un pardon de votre Seigneur et à un jardin d'une largesse des cieux et de la terre, préparé pour les pieux. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, et concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Puis l'auteur rahimahullah nous cite qu'il s'enjoigne le vrai et la patience. Il sème dans la religion et déteste pour la religion. Ils prennent garde aux débats et querelles dans la religion. Ils s'écartent des gens de l'innovation et de l'égarement. Ils ont de l'inimité envers les gens des passions et des égarements. Donc ici l'auteur rahimahullah nous cite un point qui est l'aveu et le désaveu. Le fait d'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah subhanahu wa ta'ala et de détester en Allah et pour lui subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'anse la plus solide de la foi est le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah. Et nous savons que parmi les sept personnes qui seront ombragées par l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, deux personnes qui se sont aimées en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur rahimahullah nous cite par la suite le fait de délaisser les gens de l'innovation, de l'égarement, des passions et d'avoir de l'inimité envers eux. Le noble savant, le shaykh Rabi' ibn Hadi al-Matrali, hafidhahullah, nous dit à propos des gens de l'innovation et de l'égarement. Alors, ils sont de deux types. Quant au premier, il est celui des prêcheurs qui appellent au faux. De cela, on ne prend pas de hadith, on ne prend pas de science, et il est obligatoire de mettre en garde contre eux pour protéger la communauté de leur mal, car ils sont des prêcheurs aux portes de l'enfer. Quiconque les suit, alors ils le pousseront en enfer et auprès d'Allah ils le refugent. Et quant au deuxième groupe, il est celui des gens de la masse, parmi les gens de l'innovation. Il nous dit, ceux-là ne doivent pas être délaissés, mais ils doivent être appelés à Allah par sagesse et bonne exhortation. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas prêcheurs et leur déviance se trouve en eux. Donc, ce groupe-là, il t'est demandé de l'appeler à Allah avec sagesse et bonne exhortation. Et si tu as un préjudice dans le fait de te mélanger à lui, alors écarte-toi de lui. Puis l'auteur rahimahullah nous cite, et ils prennent exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qui sont des étoiles, quel que soit celui que la personne prend l'exemple, alors elle sera bien guidée, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait à leur sujet. Donc ici l'auteur rahimahullah nous cite l'importance du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. Allah nous dit d'après le sens du verset, vous avez certainement un bel exemple à suivre dans le messager d'Allah pour quiconque croit en Allah et au jour dernier et invoque beaucoup Allah. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, après le sens du verset, « Quiconque fait scission du messager et suit autre que le chemin des croyants, donc qui sont ici les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous le délaisserons à la voie qu'il a pris et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination !» Puis il nous dit, rahimahullah, « Et ils prennent exemple sur les pieux prédécesseurs parmi les grands imams de la religion et les savants des musulmans. Et ils se cramponnent à ce sur quoi ils étaient cramponnés, comme ferme religion et vérité claire. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, « Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui suivent, puis ceux qui suivent. » Rapporté par Ahmed et Al-Bukhari. Donc, ceux-là sont les meilleurs des gens. Ceux sur qui le musulman prend exemple, après les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ceux qui ont suivi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, puis leurs successeurs, parmi les grands imams et les savants des musulmans. Puis l'auteur, rahimahullah, finit par ce qui concerne le fait de détester les gens de l'innovation, qui innovent dans la religion ce qui n'en fait pas partie, de ne pas les aimer, de ne pas leur tenir compagnie, de ne pas écouter leurs propos, de ne pas s'asseoir auprès d'eux, de ne pas polémiquer et débattre avec eux dans la religion, et de préserver leurs oreilles d'écouter leurs fausses paroles, qui lorsqu'ils passent par lui, prennent place dans le cœur et causent préjudice. Et donc sont la cause d'insufflation de mauvaises pensées. Il nous cite par la suite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après le sens du verset, « Et lorsque tu vois ce qui patauge dans nos versets, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament notre discussion. » Donc il finit, rahimahullah, par ce point qui est le fait de s'écarter, de délaisser et de prendre garde à prêter l'oreille aux gens de l'innovation et de l'égarement. Des points qui en réalité ont besoin pour chacun d'études et de détails plus que ce qui ne peut être cité dans une muhadara ou une allocution. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce de nous accorder une science profitable et de nous compter parmi ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.